On l'a appelée la guerre des 100 heures, mais c'est surtout sous le nom de guerre du foot qu'elle est connue. Non, je ne veux pas parler d'un fameux coup de boule, mais d'un vrai conflit, aussi bref que sanglant, qui a quand même causé la mort de quelques milliers de latino-américains. C'est en effet en Amérique latine qu'a eu lieu cette guerre du foot, sur un continent où, ainsi que l'écrit le grand reporter polonais Richard Kapuscinski, témoin de l'événement, la frontière entre le football et la politique est extrêmement ténue puisqu'on ne compte plus le nombre de gouvernements renversés par l'armée après une défaite de l'équipe nationale. Un continent aussi où, en allant au stade, on peut parfois y laisser la vie. Mais, disons-le tout de suite, cette fièvre politico-sportive qui donne libre cours au nationalisme le plus véhément peut aussi dissimuler des motifs de conflit autrement plus sérieux. C'est le cas de cette guerre du foot qui a opposé deux pays voisins d'Amérique centrale, le Honduras et le Salvador. Monsieur X se propose donc de décrypter les vraies raisons qui ont transformé une simple compétition footballistique en une guerre qui a fait entre 3000 et 6000 morts, des milliers de blessés et la destruction d'autant de maisons. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. En 1969, comme tous les 4 ans, se joue la qualification des équipes de football qui veulent participer à la Coupe du Monde. Une coupe là, qui doit se disputer où là ? Au Mexique, en 1970. Ouais. Le Honduras et le Salvador sont dans le même groupe et leurs deux équipes se rencontrent une première fois en juin 69, sur le stade de la capitale hondurienne, Tegucigalpa. Et ça commence très mal. Ouais, que se passe-t-il là ? Les supporters honduriens sont déchaînés et la nuit précédant le match, ils font le siège de l'hôtel des joueurs salvadoriens avec un seul objectif, les empêcher de dormir. Pas très sportif. C'est efficace. L'équipe salvadorienne est battue. Toutefois, vous devez le savoir, cette compétition se joue en deux manches. Oui, le match retour doit avoir lieu forcément au Salvador. Eh, naturellement. Ouais. Et j'imagine que les supporters salvadoriens vont rendre la monnaie de leur pièce aux Honduriens. Et c'est presque forcé. Toute la nuit, ils chahutent devant l'hôtel des joueurs adverses. Et les mêmes causes produisant les mêmes effets, l'équipe du Honduras perd le match. Mais ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire ? Le match continue après le coup de sifflet final. Les centaines de supporters honduriens qui ont fait le voyage sont pris à partie et molestés par la foule dans laquelle se sont mêlés des nervis d'une organisation armée d'extrême droite. Et des blessés ? Nombreux, oui. Et certains, très grièvement. C'est le début d'une escalade presque inéluctable. Au Honduras, dès qu'on apprend le sort qui a été réservé aux supporters, on se déchaîne. Des bandes armées attaquent les nombreux salvadoriens qui résident dans le pays sans que les autorités songent à intervenir, bien au contraire. Ouais, les émeutiers sont donc encouragés. Et de part et d'autre, la presse s'en mêle et en rajoute dans la propagande nationaliste. Les salvadoriens vont même parler de génocide, ce qui est très exagéré et même impropre puisqu'il n'y a aucune différence ethnique entre les populations des deux pays. Une parenthèse sportive, si ça vous intéresse. Ouais, ouais. Ayant tenu le même total de buts sur les deux matchs, il y a une belle qui se joue en terrain neutre au Mexique. Et qui gagne alors ? Le Salvador. Ah. Mais passons, car ça n'a guère d'importance. Alors, voyons la suite. Tandis que le Honduras expulse des milliers de Salvadoriens, les deux pays rompent leurs relations diplomatiques. À l'initiative du Salvador, il faut le dire. On est bien loin du foot, là. Oui, et vous allez bientôt le constater, cette histoire de foot, c'était un prétexte. L'étincelle qui allait allumer une véritable poudrière en place depuis fort longtemps. Vous voulez dire que tôt ou tard, ça aurait explosé? C'est ce que je crois, oui. Et dans l'affaire, ce nationalisme sportif était sûrement le meilleur moyen de galvaniser les sentiments bellicistes des uns et des autres. Ouais, ce qui signifierait que les dirigeants salvadoriens ou honduriens auraient sciemment utilisé ce prétexte du foot. Mais pourquoi pas? Il y a des guerres utiles, enfin utiles pour ceux qui les provoquent. Ouais, mais qui n'y risquent pas leur vie. Bien évidemment. Alors avant de voir dans le détail cette guerre annoncée, jetons un œil sur les relations qui existait alors entre ces deux pays latino-américains. Je vous écoute, mais enfin, une question auparavant, là. L'Amérique latine, enfin, surtout à cette époque, hein, c'est l'arrière-cour des États-Unis. Et j'ajoute que le Salvador et le Honduras sont des alliés et que les deux États partagent un solide anticommunisme. Par conséquent, donc, ils se trouvent sous la tutelle politique et économique de Washington. Il est difficile de croire que les Américains aient laissé faire sans intervenir. Il est vrai que c'est une question très troublante. Ah oui, surtout pour vous qui êtes prompt à voir la main des Américains un peu partout. Hein. Bon, je vous en prie. Enfin, je n'éluderai pas la question, je vous le promets. Alors, les rapports entre le Salvador et le Honduras et la situation réciproque de chacun de ces pays? Bon, un peu de géographie d'abord. Vous voyez la carte de l'Amérique centrale? Ouais, avec un peu d'imagination, oui. Alors, je vous aide. Hein. Les deux pays sont les seuls États d'Amérique centrale à se partager l'isthme dans le sens nord-sud. Ouais. Oui, parce qu'au nord, il y a le Guatemala. Et au sud, le Nicaragua. Voilà, c'est ça. Alors, ce partage, c'est important parce que ça veut dire que le petit Salvador, encastré dans le Honduras et adossé à la côte pacifique, ne possède aucun accès sur l'Atlantique. Tandis que le Honduras, lui, s'ouvre à la fois sur l'Atlantique et le Pacifique, grâce à une ouverture au sud de Salvador, sur la baie de Fonseca. Vous me suivez? Oui, à peu près, oui. Enfin, je note surtout qu'il y a une inégalité entre les deux pays pour ce qui concerne les débouchés sur la mer. Et il existe aussi de nombreux différends quant au tracé de la frontière commune. En outre, il y a disproportion dans la taille des deux pays. Le Salvador occupe un territoire qui représente à peu près la taille de notre Bretagne, tandis que le Honduras, c'est 6 fois plus gros. Ouais, autre inégalité. Pour autant, Honduras et El Salvador, comme on dit, ont de nombreux points communs. Les habitants, d'abord. Les deux États sont des nations métisses à la population homogène. Ouais, la même population, donc. Et puis, cette langue commune, l'espagnol. Tout à fait. Ils partagent même une histoire commune. Après l'indépendance, ils se sont regroupés dans le même ensemble, la Fédération des Provinces Unies d'Amérique centrale, qui sera toutefois dissoute au XIXe siècle. Épreuve supplémentaire de cette proximité, ils ont le même héros national, le général Morazan. promoteur de l'unité centra-américaine qui a d'abord été président du Honduras avant de devenir chef d'État du Salvador. Alors dans ces conditions, on se demande même pourquoi ils ne forment pas un seul et unique pays. Hein. Là, vous avez raison, mais les divisions politiques, l'influence du Guatemala voisin et les vicissitudes d'une histoire émaillée de coups d'État ont abouti à la formation de deux États distincts. Cependant, il faut reconnaître au Honduras la volonté permanente de recréer l'union passée. Et au début du XXe siècle, les deux pays ont passé plusieurs traités d'amitié et de libre-échange. Ça même était si loin qu'à l'orée de la deuxième moitié du siècle, cinq pays de la région ont adhéré à un processus d'union, la charte de l'Organisation des États centra-américains. Ah, un premier pas vers l'unité politique. En effet. En tout cas, un cadre qui devait permettre de régler pacifiquement les éventuels conflits régionaux. Et un peu plus tard, au tout début des années 60, ces mêmes États ont mis en place un véritable marché commun. Mais la création d'une telle organisation en Amérique centrale, comme chez nous, ne peut bien fonctionner que si une relative égalité économique préexiste dans chaque pays. Mais ce n'était pas le cas? Non, il est certain que la création de ce marché commun va exacerber la rivalité entre le Salvador et le Honduras. Et conduire à la guerre. Alors expliquez. Ne parlons que du Salvador et du Honduras. Il y a dans cet attelage un riche et un pauvre. Et paradoxalement, le riche, c'est le plus petit. Oui, le Salvador. Oui, mais attention, ça ne veut pas dire que cette richesse relative profite à tout le monde. Bien au contraire. Le petit et très prospère Salvador est dirigé par une élite. Là-bas, on parle, en simplifiant, des 14 familles qui s'est chargée d'exploiter toutes les ressources du pays et qui est aussi à l'origine de sa modernisation et de son industrialisation. Mais c'est bien sûr l'agriculture, café et coton qui a d'abord fait la richesse du Salvador. Malgré l'exiguïté du territoire. Et un relief tourmenté. Au Salvador, on cultive la moindre parcelle de terre. Et ça a permis au tout petit Salvador de se hisser à la troisième place mondiale des producteurs de café. Mais toute médaille à son revers, et au Salvador, c'est la démographie. Quoi ? Trop d'habitants ? Oui. La terre ne peut pas nourrir tout le monde. Et c'est pourquoi des centaines de milliers de paysans, les plus pauvres, naturellement, se sont exilés. Ou Honduras voisin. Car là, c'est le contraire. Le pays est vaste et très peu exploité. Il y a donc des terres disponibles, c'est ça ? Des terres qui n'ont jamais été cultivées et que ces paysans salvadoriens expatriés vont mettre en valeur. Et c'est un point essentiel. Ces gens-là n'ont pas eu vraiment l'impression de s'exiler. D'ailleurs, c'est à peine si pour eux il existait une frontière. Et beaucoup d'entre eux se sont installés sans même prendre la peine de demander une autorisation officielle. Ah, ils étaient chez eux, quoi. Exactement. C'est-à-dire, et pardon si je me répète, combien ces deux pays sont proches. Et pas seulement à cause de la géographie. Par contre, ce qui fait la différence, c'est l'économie et le développement. Alors que le Salvador possède une grande bourgeoisie autochtone, entreprenante et industrieuse, le Honduras, pays le plus pauvre de la région, est presque tout entier dans les mains d'une compagnie étrangère tentaculaire. La trop célèbre United Fruit, un véritable état dans l'état. Et je crois que c'est à propos du Honduras qu'on a inventé l'expression « République bananière ». We'll be right back. France Inter, rendez-vous avec X. République bananière, a dit M. X en parlant du Honduras. Le diplomate Alain Rouquier, auteur de Guerre et paix en Amérique centrale, le démontre ainsi, je le cite. Si le Honduras n'est plus tout à fait à la fin des années 60 le modèle de République bananière qu'il était encore en 1954, lorsque son gouvernement donnait l'hospitalité aux forces révolutionnaires chargées d'aller châtier le gouvernement du Guatemala coupable d'exproprier des terres de la United Fruit, il n'en offre pas moins les traits essentiels d'un système économique pénétré et faiblement autonome. Avec un budget 10 fois plus faible que le chiffre d'affaires continental de la compagnie fruitière et atteignant à peine le montant annuel des bénéfices de la puissante société nord-américaine, le Honduras semble écrasé par une prospérité qui lui échappe. Si l'on ajoute que sur les deux bons ports que possède le pays, l'un appartient à la United Fruit, que celle-ci contrôle les voies ferrées, le transport maritime, les télécommunications, la principale banque d'affaires et de dépôt, pour ne rien dire de sa participation dans des activités agricoles annexes, élevage, sucrerie, on pourra facilement concevoir l'influence multiforme que peut exercer cette grande société sur un petit État. L'ouvrage de Rouquier a été publié au Seuil. Cette dépendance du Honduras vis-à-vis de la puissante United Fruit n'était pas seulement économique. C'est la compagnie états-unienne qui faisait et défaisait les gouvernements du Honduras. Des gouvernements qui ont été le plus souvent militaires. Des dictatures. Oui. Oui, oui. Au Salvador ? C'est également un militaire qui est au pouvoir. Donc un régime autoritaire. Et un système de parti unique. Toutefois, tant au Salvador qu'au Honduras, on n'a pas affaire à des dictatures féroces. Ah oui, quoi, c'est des dictatures molles. Bon, on peut voir les choses comme ça. Les militaires au pouvoir, c'est vrai, respectent un minimum de liberté, mais ils sont enclins presque naturellement à encourager le nationalisme de leurs citoyens. Dans les deux pays, donc. Oui, l'exaltation du nationalisme, c'est bien connu, permet de faire oublier bien des difficultés, à commencer par la misère, ou le fait que 40% des enfants honduriens ne sont pas scolarisés. Enfin, poursuivons. Assez rapidement, les autorités honduriennes se sont rendues compte qu'il était facile et très populaire d'accuser le Salvador d'être responsable de tous leurs maux, y compris le sous-développement du pays. Mais alors que, selon vous, la vraie raison de ce sous-développement, c'était cette inféodation à la United Fruit. En grande partie, oui, parce que le trust états-unien étouffait la mise en valeur du pays. En outre, la United Fruit, qui avait la main sur les principaux revenus de l'exportation, se gardait bien de réinvestir au Honduras. Oui, mais ça, c'est la plaie qui frappe de nombreux pays sous-développés, hein, dans d'anciennes colonies la plupart du temps. Aussi, le gouvernement hondurien, plutôt que de s'attaquer aux vraies raisons de cette faillite économique, a choisi d'accuser le Salvador. Le Salvador, beaucoup plus riche, beaucoup plus développé, qui aurait colonisé son voisin hondurien. Et c'est là qu'on retrouve ce marché commun dont je vous ai parlé et qui, selon les Honduriens, ne profiterait qu'au Salvador. Mais est-ce qu'il y a un fond de vérité là-dessous, alors ? Sans doute, puisque les deux pays n'étaient pas égaux en matière de développement et que le libre-échange institué par le marché commun bénéficiait essentiellement aux pays les plus riches. Mais le Salvador. Le Salvador qui exportait aussi ses travailleurs au Honduras. Oui, mais sur des terres qui n'étaient pas cultivées. Peu importe. Il était facile d'accuser ces pauvres diables qui ne disposaient pas de terres chez eux de venir coloniser le Honduras. Donc, le gouvernement du général López Arellano a sciemment exploité le ressentiment anti-salvadorien pour faire taire ses opposants et calmer les revendications des petits paysans exploités ou même d'autres catégories sociales qui demandaient des réformes. Font le Salvador bouc émissaire. Exactement. Si ça va mal, c'est à cause des salvadoriens. Oui. Facile, ça. Et ça se traduit comment ? Par une hostilité de plus en plus visible des Honduriens contre les envahisseurs salvadoriens, comme la propagande officielle les nomme. Et à plusieurs reprises, les salvadoriens travaillant au Honduras sont maltraités. Certains d'entre eux choisissent même de rentrer chez eux. On observe aussi des incidents frontaliers. Par exemple, en 1967, donc 2 ans avant la guerre du Foot, des éléments armés du Salvador violent la frontière et pénètrent en territoire hondurien. Quelle raison, là ? Les autorités du Salvador voulaient sans doute protester ainsi contre la xénophobie qui s'exerçait contre leurs compatriotes installés au Honduras. Quoi qu'il en soit, la crise a été suffisamment grave pour que les États-Unis s'en mêlent et imposent leur médiation. Alors que plus tard, lors de la guerre du Foot, hein, Washington, m'avez-vous dit, se gardera d'intervenir. C'est exact, mais on en reparlera. Mais à partir de là, La tension entre les deux pays ne fera que croître. Une tension alimentée par la presse qui en rajoute chaque jour un peu plus. La presse des deux pays. Mais c'est la réforme agraire entreprise au Honduras qui va exacerber la crise. Expliquez, c'est-à-dire. Cette réforme, nécessaire pour les petits paysans sans terre, des hommes démunis face aux grands propriétaires et à la United Fruit, n'aboutira en fait qu'à renforcer la xénophobie alors que son objectif était en principe de réduire les inégalités. Il faut dire que personne, surtout pas le pouvoir en place, n'avait oublié qu'une révolte paysanne avait été matée dans le sang, presque 30 000 morts, 3 décennies plus tôt. Mmh. Le gouvernement pouvait donc légitimement craindre un nouveau soulèvement paysan ? Tout à fait. Mmh. Alors, de quoi s'agissait-il ? Me demandez-vous. En principe, cette réforme agraire visait à attribuer des terres publiques à des paysans qui en étaient dépourvus. Ouais. Mais il n'était pas question de redécoupage ? Non, il ne fallait surtout pas toucher aux grandes propriétés. Ah, oui. Et à l'origine, ce sont des terres pas encore cultivées qui devaient être données. À noter d'ailleurs que cette réforme avait été instituée au début des années 60. Donc bien avant la montée de la tension entre le Salvador et l'Honduras. En effet. Ouais. Mais alors que la xénophobie s'installe de part et d'autre, le gouvernement hondurien va utiliser cette loi à l'encontre des Salvadoriens installés sur son territoire. Je vous explique. Mm-hmm. D'abord, cette réforme agraire ne peut bénéficier qu'aux citoyens honduriens. A priori, ça ne me paraît pas scandaleux. Hein. Bon, je suis d'accord avec vous, mais c'est la suite qui l'est. Car un article de la loi permet d'expulser les étrangers déjà installés et de prendre possession de leurs terres. Des terres qu'ils ont pourtant défrichées eux-mêmes et mises en valeur. Mmh, c'est ça. Et alors qu'il existe au Honduras des dizaines de milliers d'hectares de terres vierges qui ne demandent, si j'ose dire, qu'à être cultivées. Ouais. Il est donc clair que cette mesure, si elle est appliquée, vise d'abord les sujets salvadoriens qui exploitent des terres honduriennes. Mais ils sont plusieurs centaines de milliers, car ces colons, comme on les appelle au Honduras, n'ont cessé d'accourir tout au long des années. C'était pour eux le seul moyen de subsister, puisque dans leur propre pays, il n'y avait plus de terres disponibles. Mmh. Et on va vraiment, du côté du Honduras, procéder à des expulsions ? Oui, oui. Dès 1968, c'est-à-dire quelques mois après ce grave incident de frontière dont je vous ai parlé, 500 familles salvadoriennes dépourvues de titres de propriété sont renvoyées chez elles. Ce qui provoque, j'imagine, l'indignation des autorités salvadoriennes. Et de l'opinion publique du pays. On voit même des manifestants hostiles au Honduras défiler dans les rues de la capitale San Salvador. Et ça recommence. Les expulsions, je veux dire. 24 heures avant le match aller entre les équipes de football des deux pays. Et ça ne peut guère contribuer à la sérénité sur le terrain. Bien entendu. Ouais. Ça ressemble même à une provocation, non ? On peut le penser. Et 8 jours plus tard, lors du match retour, je vous l'ai dit, la tension monte encore d'un cran puisque des centaines de supporters honduriens sont pris à partie et blessés après le match. Et les expulsions, là, elles continuent ? De plus belle. Tout au long des premiers jours de juillet. Et ces expulsions sont souvent effectuées manu militari par des groupes paramilitaires sans que la police hondurienne intervienne. Est-ce que vous pouvez donner un chiffre ? Il faut évidemment faire la part de la propagande. Les médias salvadoriens parleront de 250 000 expulsés. Mais des témoins fiables évoqueront, eux, le chiffre de 25 000. C'est déjà pas mal. Hein. D'autant que ces gens ont tout perdu et qu'ils deviennent des réfugiés dans leur propre pays. Une situation critique pour les dirigeants salvadoriens et qu'il faut éviter à tout prix. Donc ce sont vraiment des paysans sans terre. Et on touche là un point crucial et qui rappelle de tristes souvenirs, la notion d'espace vital. Ah oui, ça c'est l'argument utilisé par Hitler pour envahir les Sudètes et justifier l'Anschluss. Hein. Ouais, oui, lorsque l'armée salvadorienne envahira quelques jours plus tard le Honduras, le gouvernement de ce pays n'hésitera pas à accuser son homologue de vouloir annexer une partie de son territoire. Pour y installer ses paysans sans terre. Naturellement. Et est-ce que les salvadoriens y ont vraiment pensé ? Pourquoi pas ? Ces vastes territoires honduriens vierges devaient les faire rêver. Et du coup, chaque colon salvadorien installé au Honduras était considéré comme faisant partie d'une avant-garde censée préparer l'annexion. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. La propagande a bien sûr joué un grand rôle dans ce conflit et contribué à développer l'inimitié entre les deux peuples. Ainsi, selon Alain Rouquier, déjà cité, des sources gouvernementales salvadoriennes soulignent qu'il faut à leurs citoyens un courage certain pour abandonner la mère patrie et s'aventurer dans un pays politiquement agité, couvert de forêts presque vierges. Et de citer un éminent juriste qui estime que les Salvadoriens ou Honduras se trouvent dans la même situation que les Belges au Congo en 1960, exposés aux persécutions, à la mort et au cannibalisme. Les Honduriens, écrit encore Rouquier, n'ont pas, on s'en doute, une aussi bonne opinion des civilisateurs salvadoriens. L'immigration massive de travailleurs pauvres engendre sous toutes les latitudes des réactions comparables. Les Salvadoriens ou Honduras, malgré leur prétendue supériorité, n'échappent pas à la règle. Si le Hondurien est paresseux aux yeux de ses diligents voisins, le Salvadorien est un voleur, le Salvadorien débrouillard qui s'installe n'importe où, s'adapte partout et habitué aux relations commerciales, inquiète dans un milieu pré-industriel en accaparant les petits métiers. Et selon un communiqué officieux de juin 1969, c'est la lie de l'humanité, car l'immense majorité des Salvadoriens qui arrivent au Honduras sont de pauvres gens enclins à la délinquance quand ils ne sont pas des délinquants confirmés. Dans ces conditions, la guerre devenait presque inévitable. D'accord, mais était-elle souhaitée par les deux gouvernements ? Souhaitée, je ne sais pas. Mais il arrive un moment où tout retour en arrière devient impossible, tant les opinions publiques sont surchauffées. Et puis, il y a le poids des militaires, au Salvador, par exemple. Le président Hernandez était aux abois. Ce qui signifie, hein. Bien qu'étant militaire lui-même, il avait très peur s'il ne prenait pas l'initiative d'être renversé par un putsch d'officiers lui reprochant d'être trop timoré face aux provocations honduriennes. Ouais. Alors les militaires voulaient leur guerre. Sans aucun doute. Je ne devrais pas plaisanter parce qu'il y a quand même eu beaucoup de morts, mais les militaires supportent mal de rester trop longtemps l'arme au pied. Ah oui, il faut agir, se défouler en somme. Ouais, et puis on est en Amérique latine, faut pas l'oublier. Si l'armée ne combat pas à l'extérieur, il faut agir à l'intérieur. Le coup d'État là-bas, c'est une sorte de sport local. Ouais, vous allez un peu loin, là. Certes, bon, je vous prie de bien vouloir m'en excuser, mais je suis quand même pas très loin de la vérité. Mmh. Par conséquent, hein, si je vous ai bien compris, c'est le Salvador qui va prendre l'initiative de déclencher cette guerre. Hein. Ça commence par des escarmouches de part et d'autre de la frontière. Plus sérieusement, tandis que les expulsions se poursuivent, le vice-consul du Salvador à Tela est assassiné. Et le lendemain du match qui assure définitivement la qualification du Salvador, un 14 juillet, on observe le premier véritable acte de guerre. Un avion salvadorien lâche une bombe sur la capitale hondurienne. Auparavant, je vous l'ai dit, les deux pays ont rompu leurs relations diplomatiques. Mais devant ce qui paraissait inéluctable, n'y a-t-il pas eu des tentatives de médiation ? L'OEA, c'est-à-dire l'Organisation des États américains, a essayé d'intervenir. L'OEA, une organisation sous influence états-unienne. Hein. Naturellement. Donc Washington n'est pas resté inerte. Mais sans pour autant taper du poing sur la table, ce qui aurait certainement fait réfléchir les uns et les autres. On va y revenir. En tout cas, malgré ces efforts de conciliation, c'est la guerre qui éclate. Le 15 juillet 1969, les troupes salvadoriennes franchissent la frontière en deux endroits, tandis que leurs avions bombardent les installations militaires près de la capitale. Mmh. Quel est l'état des forces ? Le Salvador possède une armée de 8000 hommes, bien équipés. Du côté hondurien, on ne compte que 2500 soldats qui disposent d'un armement vieillot. Par contre, l'aviation hondurienne, même si elle est équipée d'appareils qui datent de la Seconde Guerre mondiale, est supérieure en nombre à celle du Salvador. Mmh. L'offensive terrestre du Salvador est-elle couronnée de succès ? Au début, oui. Les militaires pénètrent profondément à l'intérieur du Honduras. Ce qu'ils veulent mener, c'est une guerre éclair à l'israélienne. Une guerre qui doit les placer en situation de force afin de négocier ensuite un protectorat sur les zones où travaillent leurs concitoyens exilés. Le gouvernement salvadorien escompte aussi obtenir un accès à l'océan Atlantique. Et effectivement, dans un premier temps, ça marche. Les Honduriens ne peuvent pas faire face. Et dans un deuxième temps, Eh bien, il y a le relief montagneux, la nature hostile. La progression salvadorienne se ralentit. Et surtout, l'aviation hondurienne bombarde les dépôts de matériel et de carburant de leur adversaire. C'est si efficace que, faute d'essence et de munitions, l'armée salvadorienne doit s'immobiliser et accepter un cessez-le-feu. Alors quoi, la guerre a duré 3-4 jours, non ? 100 heures, exactement. 100 heures ? Oui. Et malheureusement, si elle a été courte, elle a été particulièrement meurtrière. Ouais. C'est maintenant, en tout cas, le temps de négociation. Oui, oui, sous l'égide de l'OEA. Mmh. Mais je reviens un peu en arrière, là. Ce brusque arrêt, là, de l'armée salvadorienne, est-il seulement dû à la raréfaction du carburant et des munitions du côté salvadorien là. Non, non, il est clair que les États-Unis ont dû siffler la fin de la partie. Ah, on y vient alors. Pour Washington, il était en effet embarrassant de voir deux pays alliés se combattre plus longtemps. Il ne pouvait en résulter que des désordres que ne manqueraient pas d'exploiter les communistes. Ouais, toujours l'obsession de Cuba. Forcément. Cuba, fourrier de la révolution en Amérique latine. En outre, il ne faut pas oublier les intérêts économiques états-uniens dans les deux pays. D'accord, mais alors, pourquoi ne pas être intervenu avant le déclenchement du conflit? Washington ne devait pas manquer de moyens de pression, non? C'est évident. Mais les Américains avaient alors la tête ailleurs. Ouais, c'est ça, ça ce qu'il veut dire, là. Rappelez-vous, juillet 1969... Aux États-Unis, on regardait alors le ciel. Ouais. Ah, l'expédition Apollo. Et le premier alunissage de l'histoire de l'humanité. Ouais. Alors oui, la petite guerre d'Amérique centrale l'a passée au second plan. Pour l'opinion publique nord-américaine, c'est certain. Pour Richard Nixon, qui était alors installé à la Maison-Blanche, il y avait autre chose. Expliquez, là. Je vous ai parlé de ce marché commun mis en place en Amérique centrale. Ça ne plaisait pas à tout le monde. Et en particulier à certaines grandes sociétés nord-américaines qui voyaient d'un mauvais œil cette organisation supranationale susceptible de contrarier leurs intérêts et surtout de les empêcher de manœuvrer à leur guise les gouvernements de ces pays. Ainsi, je suis à peu près sûr que les représentants de ces compagnies ont joué un rôle de lobbying auprès des autorités honduriennes afin de les persuader que le marché commun favorisait outrageusement le Salvador. Oui, à leur dépens. Par conséquent, cette petite guerre qui s'est traduite par un véritable dynamitage du marché commun ne pouvait que satisfaire ses grands intérêts nord-américains. Oui, mais de là à imaginer que les États-Unis ont poussé à la guerre... Ah, ils n'ont en tout cas pas fait grand-chose pour l'empêcher. Ouais, soit. Ça m'étonnait aussi hein, que vous n'ayez pas mis en cause les États-Unis d'une façon ou d'une autre. Ah ben voilà, c'est fait. En ce qui me conforte dans cette opinion, c'est que Washington va ensuite peser de tout son poids pour régler la question et faire en sorte que les troupes salvadoriennes se retirent des territoires honduriens qu'elles occupent. Mmh. Et qu'elles aimeraient bien annexer. Hein. Oui, oui. Bon. Les ministres des Affaires étrangères des pays de l'OEA se réunissent à Washington à la fin du mois de juillet 1969. Donc quelques jours seulement après le cessez-le-feu. D'abord, le Salvador ne veut rien entendre et résiste aux pressions. Mais soudain, surprise, il cède. Et dès le 3 août, l'armée salvadorienne abandonne ses positions et reflue derrière sa frontière. Une précipitation extraordinaire, non ? Ouais, qui ne peut s'expliquer que par la formidable pression exercée par Washington. Bah, ça me semble clair, non ? Ouais. Alors, si je vous comprends bien, si les États-Unis pouvaient aussi rapidement obtenir la paix, ils auraient pu aussi facilement empêcher la guerre. Hein ? Et la suite alors ? La réconciliation va tarder. Et malgré la création d'une zone démilitarisée de part et d'autre de la frontière, les années 70 sont émaillées d'incidents plus ou moins graves. En 1976, alors que les deux frères ennemis semblent décidés à renouer, des positions militaires honduriennes sont même attaquées à l'arme lourde. Cette provocation retarde d'autant la réconciliation. Et ce n'était certainement pas un acte gratuit. Il existait au Salvador des forces opposées à tout accord. En outre, la situation politique confuse qui règne dans les deux pays ne favorise guère le rapprochement. Xénophobie et nationalisme restent au programme. Et puis, il y a l'éclosion de guérillas marxistes qui compliquent encore la situation. Mais paradoxalement, l'existence de ces guérillas va accélérer le processus de réconciliation. Et de quelle façon ? Le président Reagan ne supporte plus ce conflit fratricide. Il considère en effet que ces deux pays doivent chacun jouer un rôle dans la lutte anticommuniste. En conséquence, leurs forces armées doivent s'unir pour contrer les menaces de subversion symbolisées par le petit Nicaragua qui s'est débarrassé de son dictateur. Mais enfin, ça c'est peut-être une autre histoire. On sera sans doute amené à en parler un jour ou l'autre, si vous le voulez bien. Et en particulier, du Salvador, où dans les années 80, la guerre civile va provoquer des dizaines de milliers de morts. Honduras-Salvador, une guerre absurde. Et pas seulement parce qu'elle a été apparemment déclenchée par une querelle sportive. Absurde, oui. Surtout quand on lit ces lignes du journaliste polonais Richard Kapuściński, témoin direct de ces événements du côté hondurien. Nous sommes arrivés à un endroit où sous un arbre se trouvaient deux canons et à côté des tas de munitions. Devant nous s'étirait la route qui mène au Salvador. Des deux côtés s'étendaient des marécages au-delà desquels commençaient des broussailles denses et vertes. Jusqu'à la frontière du Salvador, il restait 8 kilomètres. En sueur et mal rasé, le commandant qui dirigeait la défense de la route a dit que nous ne pouvions aller plus loin. À partir de là commençait un territoire où les deux armées menaient des opérations où il était difficile de s'y retrouver. On ne pouvait pas savoir de quel côté on était et à qui on avait affaire. Dans ces broussailles, on ne voyait rien. Souvent, en errant dans ce maquis, deux détachements ennemis se retrouvaient soudain nez à nez. De plus, les deux armées avaient les mêmes uniformes, le même matériel et parlaient la même langue, l'espagnol, si bien qu'un détachement qui tombait sur un autre détachement pouvait ne pas savoir s'il s'agissait des siens ou de ses ennemis. Une guerre absurde donc, mais terriblement meurtrière malgré sa brièveté. À samedi prochain, je vous rappelle que sur franceinter.com, vous pouvez réécouter cette émission et obtenir des renseignements. Et merci à Michel Billou, Rebecca de Nantes et Monsieur Djoub.